إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours maintenant, le cours numéro 28 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le sharh du Cheikh Zayd al-Madkhali hafizahullah. Et on est arrivé à l'endroit où le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne un verset dans lequel il dit fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. C'est la fin du verset qu'on a lu au dernier cours, l'explication du verset 22 dans sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset ce qui signifie, et il a fait sortir par cette pluie qu'il fait descendre du ciel des fruits comme subsistance pour vous. Alors ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux dans l'adoration alors que vous savez, c'est-à-dire alors que vous savez que c'est lui seul qui a tout créé et que c'est lui seul qui mérite toute l'adoration. Alhamdulillah, le Cheikh Zayd, il l'explique, qu'est-ce que ça signifie. Il dit, le verset 22 dans Surat Al-Baqarah, فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ نُظَرَاءَ يُعْبَدُونَ كَمَا يُعْبَدُ ويشكرون كما يشكر لأن هذا هو الكفر بعينه وهذا هو الشرك الأكبر أن تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله هو الذي انفرد به الخلق والرزق والتدبير وما سواه عاجز فقير كما قال عز شأنه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. Donc le Cheikh il explique que ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux ou des semblables qui sont adorés comme on doit l'adorer lui et qui sont remerciés comme on doit le remercier lui, parce que ceci est la mécréance elle-même. C'est-à-dire d'adorer d'autres avec Allah et de remercier d'autres comme on remercie Allah, ça c'est le shirk et c'est le kufr, c'est le shirk majeur de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux et des semblables dans l'adoration. Le Cheikh il dit wa antum ta'lamun anna Allah huwa alladhi infarada bil khalqi wal rizqi wat tadbir wa ma siwahu ajizun faqirun. Donc alors que vous savez, ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux alors que vous savez. Vous savez quoi? Alors que vous savez quoi? Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adresse à l'humanité et qui dit ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux dans l'adoration alors que vous savez que Allah est le seul qui a tout créé, qui vous donne votre subsistance, qui vous a créé, qui vous a donné votre subsistance et qui contrôle tout qu'est-ce qui se passe dans l'univers. Et que tout ce qui existe en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est incapable par rapport à Allah et est indigent et pauvre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala azza sha'nu ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. ô vous les hommes, vous êtes les pauvres, hein, vous êtes les indigents, ceux qui avaient besoin d'Allah, tandis que Allah est Al-Ghani Al-Hamid. Hein, Allah est Al-Ghani, celui qui est riche, qui se suffit à lui-même, qui n'a besoin de rien, alors que tout a besoin de lui. Al-Hamid, celui qui est digne de louange. Le verset 15 dans Surat Fatir. Donc, ensuite, le Cheikh, il mentionne la parole de l'imam Ibn Kathir, l'imam Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab, il mentionne la parole qui explique ce verset dans la parole du tafsir de l'imam Ibn Kathir. Il dit, « قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. » Donc l'imam Ibn Kathir, il explique ce verset-là en disant, « Celui qui a créé toutes ces choses qu'on a mentionnées dans le verset, eh bien, c'est lui qui mérite l'adoration. » C'est-à-dire, celui qui a créé la terre et qui a créé les cieux et la terre et qui a fait tomber de la pluie du ciel pour vous et ainsi de suite, c'est lui qui mérite l'adoration. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. Le cheikh Zayd al-Madkhali, il explique ça. Il dit, قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذه الجملة المختصرة لها معان كبير لها معناها الكبير إذ إنها كخلاصة لما تقدم تفصيله أي أن من خلق هذه الأشياء التي تم إيرادها وتدوينها هنا هو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn Kathir il explique ici par cette phrase résumée, il explique donc la grande signification qu'on a mentionnée par rapport à la signification de ce verset-là. C'est comme pour résumer tout ce qu'on a expliqué en détail dans le cours précédent. Le verset 22 dans Surat Al-Baqarah. L'autre verset qu'on a mentionné, c'est dans Surat Fatir. Fatir, le Créateur, le verset 15. Naam. Donc, le verset qu'on a expliqué, le verset 22 dans Surat Al-Baqarah, eh bien, c'est le verset que l'imam Ibn Kathir explique ici. Et il dit donc, le Créateur de ces choses, c'est lui qui mérite uniquement l'adoration. Et ça, c'est comme un résumé pour expliquer et résumer tous les détails qu'on a mentionnés précédemment. Que celui qui a créé toutes ces créations-là, et qui les a créés et qui les a enregistrés, qui les a voulus, eh bien c'est lui qui mérite l'adoration seulement, en dehors de tout ce qui peut être adoré à part lui, par les créatures. Wallahu a'lam. Donc ça c'est la fin de cette partie que le cheikh avait expliquée. Maintenant on commence une autre partie, un autre cours que le cheikh a donné, qui est la suite de qu'est-ce qu'on explique maintenant. Là, le cheikh il va commencer à expliquer qu'est-ce que c'est l'adoration, et il va expliquer quelles sont les différentes sortes d'adoration, et il va clarifier ce point-là. Parce qu'une fois qu'on a su qui est Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien maintenant il faut savoir que la première chose qu'il nous a ordonné de faire, c'est de l'adorer. Une fois qu'on sait que la première chose qu'on a comme ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est de l'adorer lui seul, eh bien, il faut savoir qu'est-ce que c'est l'adoration, et il faut savoir comment on applique et on met en pratique cette adoration-là, et qu'est-ce que c'est l'adoration. Donc, c'est ce que le cheikh explique maintenant. Donc, il dit « Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha » c'est-à-dire, les différentes sortes d'adoration que Allah a ordonnées sont les suivantes. Donc, le cheikh, il va les expliquer. Il va les énumérer d'un seul coup, en bloc, puis après il va les expliquer une par une en détail avec la preuve de chacune. D'accord? Donc pour commencer, le cheikh il dit Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, qala al-musannif rahimahullah. وأنواع العبادة التي يعني وأنواع العبادة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، فيدخل في هذا التعريف كل عبادة يتعبد بها المكلف من العبادات التي يجب أن تصرف لله وحده. وذكر المؤلف مثالا ونموذجا من أنواع العبادات. Donc le cheikh il explique que les adorations que Allah nous a ordonné de faire, hein, premièrement, qu'est-ce que c'est l'adoration? Le cheikh il dit l'adoration, il y a une définition générale, et cette définition-là que le cheikh a mentionnée, c'est la définition qui a été mentionnée par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ok? Et qu'est-ce que c'est cette définition? Ça dit que le mot ibadah, l'adoration, c'est un mot c'est un mot qui englobe tout ce que Allah aime et tout ce qu'il a agréé comme action apparent ou caché, c'est-à-dire comme action extérieure ou action du cœur, action intérieure. Donc c'est un mot ou un nom qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les actions et les paroles apparentes ou cachées. Donc ça c'est la définition. Et il dit que dans cette définition-là, on peut inclure toute adoration par laquelle un serviteur qui a atteint l'âge de puberté, qui a sa raison, peut faire comme adoration parmi les choses que Allah aime et qu'il les offre uniquement à Allah seul. Donc l'auteur, il a donné des exemples des différentes formes d'adoration. Parmi les différentes formes d'adoration qu'il a mentionnées, il a mentionné les trois grandes catégories ou trois grands termes qui expliquent l'adoration. C'est l'islam, l'iman, l'ihsan. Ça, c'est trois formes d'adoration. Et c'est des termes dans l'islam qui sont généraux, qui renferment plusieurs significations et plusieurs formes d'adoration. Et c'est les bases de l'islam. Donc, l'islam, l'iman, l'ihsan, le cheikh il dit, « وَهَذِهِ هِيَ مَرَاتِبُ الدِّينِ » Donc, ce sont les trois degrés de la religion. En fait, l'islam, la foi et l'ihsan, c'est-à-dire le perfectionnement de la foi, ça c'est trois degrés dans la religion. Hein? C'est les trois degrés de la religion. Et le cheikh il dit « Kama fi hadith Jibril al-Mashhur ». Donc ça c'est tel que c'est rapporté dans le hadith célèbre de Jibril. Hein? C'est un hadith très connu, le hadith qu'on appelle « Hadith ou Jibril ». Okay. Il dit وهو ما رواه ابن عمر ابن الخطاب ابن وهو ما رواه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال. Donc le cheikh il dit et c'est ce que Omar ibn al-Khattab a rapporté et il a dit, donc il rapporte le hadith au complet. Le hadith il va être mentionné plus loin, mais on peut le lire quand même. C'est un hadith très important. Et chacun devrait le mémoriser, ce hadith-là, en arabe, au complet, hein, par cœur. Donc, on va le lire. Il dit, « Kunna julusan inda Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, zata yawm, idh tala'a alayna rajulun shadidu bayad al-sha'r, shadidu bayad al-thiyab, shadidu sawad al-sha'r. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, il dit, nous étions assis en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un jour, jusqu'à ce qu'un homme apparut avec des vêtements extrêmement blancs et des cheveux extrêmement noirs. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage et personne d'entre nous ne le connaissait. Jusqu'à ce qu'il vienne s'asseoir devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il mit ses genoux en ligne hein, devant les genoux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il plaça ses mains sur ses cuisses devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit faqal, hein, il dit حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Il a dit oh Muhammad, dis-moi qu'est-ce que c'est l'islam, informe-moi sur l'islam. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Donc il a dit, yani que, il a dit, oh Muhammad, informe-moi qu'est-ce que c'est l'islam. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu. Et il a dit, l'islam, c'est que tu témoignes que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et que Muhammad est le messager d'Allah. Et que tu établisses la salat. Et que tu donnes la zakat. Et que tu jeûnes le mois de Ramadan. Et que tu fasses le hajj à la maison, c'est-à-dire à la Mecque. Si tu en as la capacité. قال صدقت قال الراوي فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان. Donc la personne qui posait la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit tu as dit vrai. Alors le narrateur il dit nous nous sommes étonnés de voir que c'est lui qui a posé la question et que c'est lui qui confirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai. Hein? Ça c'est étonnant. Alors il a posé une autre question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé qu'est-ce que c'est la foi, mal iman. Hein? Fa akhbirni anil iman, informe-moi qu'est-ce que c'est la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. Donc il lui a posé la question sur la foi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu et il a dit la foi c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois en la prédestination de ce qui a été prédestiné par Allah de bien ou de mal. Il a dit tu as dit vrai, encore une fois. قال فأخبرني عن الإحسان. Il a dit ensuite donc informe-moi au sujet de l'Ihsan. Et Al-Ihsan, c'est un degré plus élevé que Al-Iman, c'est-à-dire le fait de perfectionner ta foi, hein, un niveau de foi plus élevé. Il a dit, ça consiste, il a dit, قال أن تؤمن أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. C'est-à-dire, ça consiste au fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, ça, eh bien, dans ce cas-là, tu l'adores comme si toi, comme si lui te voyait. C'est-à-dire, tu l'adores en sachant que lui te voit. Hein, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, et que si tu n'arrives pas à l'adorer comme si tu le voyais, eh bien, tu l'adores en sachant que lui te voit. Il a dit ensuite, informe-moi au sujet de l'heure. Akhbirni anis sa'a. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Il a dit informe-moi au sujet de l'heure. Il a répondu, il a dit celui qui pose la question ne sait pas plus, celui à qui on demande la question ne sait pas plus que le questionneur. Celui qui à qui on pose la question au sujet de l'heure du jugement dernier, il ne connaît pas plus la réponse à cette question que celui qui demande. Alors il dit ensuite أخبرني عن أماراتها. Informe-moi au sujet de ces signes. Il dit قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. C'est-à-dire, informe-moi au sujet de ces signes. Il dit, il donne des signes, il dit que l'esclave met au monde sa maîtresse. Et que tu vois les des gens qui sont nu-pieds et nus et pauvres, hein, qui s'occupent des moutons, hein, des gens qui s'occupent des moutons comme des bergers, et qui commencent à faire la compétition entre eux dans les, la hauteur des bâtiments. ثم انصرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري يا عمر من من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم. Donc il, après l'homme est parti, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: ô Omar, est-ce que tu sais qui est cette personne qui posait la question, qui posait les questions? Il a dit: Allah et son messager c'est mieux, hein? Allah et son messager savent mieux. Il a dit: c'était Jibril, il est venu pour vous enseigner votre religion. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, c'est un hadith sahih et ça explique les fondements de l'islam et les degrés de la religion. Il dit le cheikh Zayd, il dit: فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان كلها مراتب الدين أي هي الدين كله. يعني c'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم a considéré que ces trois degrés-là, l'islam, l'iman et l'ihsan, que tous ces trois degrés-là composent en réalité la religion en entier. Et que ces trois degrés-là, c'est la religion au complet. Pourquoi ? La preuve dans le hadith, c'est quoi ? À ce sujet-là, c'est la dernière phrase du hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à Omar ibn al-Khattab et il lui dit : c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion, votre din. Atakum yu'allimukum dinakum ou amra dinikum dans certaines narrations. Donc c'est pour dire que votre dîn, c'est ça. C'est ces trois degrés-là. L'islam, l'iman, l'ihsan. Hein? Et le cheikh, il dit: وعند تفاصيل هذه المراتب لا بد من البيان بيان أركان الإسلام وبيان أركان الإيمان وبيان أركان الإحسان وهذه قد كتبت فيها كتابة مختصرة واضحة عن طريق على طريقة السؤال والجواب ضمن بحوث سلسلة الأجوبة السديدة وهو السؤال الثاني. السؤال الأول: ما هي العبادة ومن المكلف بها بأدائها؟ فقلت الجواب: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. Donc le cheikh explique qu'il y a des petits livres qui ont été écrits sur l'explication de ces piliers-là, parce que chacun de ces piliers, chacun de ces degrés est expliqué et détaillé en détail. Qu'est-ce que c'est les piliers de l'islam? Qu'est-ce que sont les piliers de la foi? Qu'est-ce que sont les piliers de l'ihsan? Tout ça, ça a été expliqué dans des petits livres et dans des livres qui détaillent et qui expliquent ces questions-là. Et il y en a un livre en particulier qui a été écrit sous forme de questions et réponses. C'est un petit livre résumé. Et il y a des questions et réponses. Et ça fait partie d'une série de recherches de questions et réponses qui ont été publiés, et le cheikh il en mentionne quelques-unes. Donc il mentionne, il dit wa huwa as-su'al ath-thani, donc la deuxième question, il dit, bon, ici je sais pas pourquoi il mentionne la deuxième question, parce qu'en fait ici il mentionne la première aussi. Donc il y a ici plusieurs questions qui sont mentionnées par rapport à ce sujet-là. Donc on va les lire ensemble. Ma hiya al-ibada, qu'est-ce que c'est l'adoration? Wa man al-mukallaf bi-ada'iha, et c'est qui la personne qui est chargée de mettre en application cette adoration là? C'est quoi? C'est qui est mukallaf? On a déjà expliqué que mukallaf, ça vient de taklif. Ça veut dire quand est-ce que quelqu'un est mukallaf? Quand est-ce qu'il est chargé des obligations et des responsabilités des ordres de la religion? Quand est-ce qu'il est mukallaf? C'est lorsqu'il est pubère et lorsqu'il a sa raison, qu'il n'est pas fou, et à ce moment-là il est responsable de ses actes et donc il doit établir les adorations que Allah lui a ordonnées. Hein? Donc le cheikh explique, il dit, qu'est-ce que sont ces adorations-là? La réponse, on l'a donnée tout à l'heure à propos de l'adoration et sa définition. C'est quoi la définition de l'adoration, Faisal? Mais est-ce que tu te souviens de la définition qu'on avait donnée tout à l'heure? Al-Ibada, la définition générale. C'est bien de prendre une feuille puis un stylo pour l'écrire. Ça, tu vas t'en souvenir. Tu l'enregistres? C'est bien de l'enregistrer, mais aussi de l'écrire sur papier. Comme ça, ça reste dans ton esprit. C'est comme quand tu vas à l'école, le professeur, il parle. Toi, tu prends des notes. Hein? C'est bien, parce qu'après, qu'est-ce que tu as entendu? Et qu'est-ce que tu as en plus de ça? Tu l'as écrit, ça reste encore plus fermement dans ta mémoire. Tandis que si tu fais juste t'asseoir puis écouter, c'est sûr que tu profites, c'est sûr que c'est bénéfique. Sauf que c'est limité, parce que beaucoup de choses que tu entends, sans le mettre par écrit, tu l'oublies par la suite malheureusement. Hein? Et donc, la définition, qui est-ce qui l'a noté tout à l'heure? Faisal, tu peux la donner? Pas Faisal, désolé. Le frère Salman. Salman, si tu peux la donner. Ok. Et Hassan? D'accord, exactement. Donc, on va la répéter. C'est un mot qui englobe et qui comprend tout ce que Allah aime et tout ce que Allah agrée comme parole, comme action, apparente ou cachée. Donc si on te demande c'est quoi l'adoration, eh bien tu réponds c'est toute action, ou c'est un mot général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles et les actions apparentes et cachées qu'on peut faire. Et comment, je vais vous poser une question qui est relié à cette définition-là. Comment on fait pour savoir qu'une parole ou une action, Allah l'aime ou l'agrée? C'est quoi la référence? C'est quoi la preuve que Allah aime une parole ou une action? Comment on fait pour savoir? Comme si, par exemple, quelqu'un, tu le vois faire quelque chose et il te dit, ça, Allah aime cette action ou cette chose-là. Donc, c'est quoi la preuve? Comment tu fais pour savoir que c'est vrai que Allah aime cette chose-là ou non? Non, barakallahu fik. Il faut que ça vienne du Coran et de la Sunna et qu'il y ait un texte dans le Coran ou dans la Sunna qui confirme que cette action-là, Allah l'aime, hein, et l'agrée. Ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aime ou l'agrée. Sinon, n'importe qui pourrait prétendre n'importe quoi. Hein? N'importe qui pourrait prétendre que Allah aime telle ou telle action et ce serait trop facile. Il faut ramener des preuves pour savoir si Allah aime vraiment quelque chose ou non. Et ces preuves-là doivent être tirées du Coran et de la Sunna. Sinon, il y a plein de gens de bid'a, hein, parmi différentes tendances, de différents groupes, des gens qui font des choses, comme les soufis par exemple, ils dansent dans leur mosquée avec de la musique, et ils pensent que ça c'est du zikr, ils pensent que Allah aime ça. Et si on leur demande, c'est quoi la preuve que Allah aime ça? Ils vont dire, ben c'est comme ça, notre cheikh il a dit, hein, notre cheikh il a dit que ça c'est bien, donc on le fait. Mais ça c'est pas une preuve dans la charia. La preuve dans la charia, c'est qu'est-ce qui est tiré du Coran et qu'est-ce qui est tiré de la Sunna qui est authentique. D'accord? Donc le cheikh il dit wal mukallaf bi ada'iha ala sabil al wujub aw al istihbab bi hasab al amr al ilahi huwa al mukallaf al aqil min 'alim al insi wal jinn kama qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Donc qui est la personne qui est ordonnée d'appliquer et qui a été chargée de mettre en application ces actes d'adoration-là, soit par obéissance, soit parce que c'est une obligation, ou soit parce que c'est quelque chose qui a été recommandé et aimé selon l'ordre divin. Eh bien, le cheikh, il répond, il dit la réponse à cette question, c'est que toute personne parmi les djinns ou parmi les hommes qui a sa raison, hein, qui a sa raison, eh bien, il est ordonné d'établir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 5 dans Surat al-Bayyinah comme preuve à ce sujet-là. C'est-à-dire, et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant une adoration et un culte pur, en étant hunafa, c'est-à-dire en étant tournés vers Allah seulement et en étant complètement éloignés du shirk, et d'établir la salat et de donner la zakat. Et ça, c'est la religion de la droiture. نعم. Donc le cheikh il dit ensuite ويليه السؤال الثالث ونصه ما هو التوحيد وكم أنواعه وما جزاء من حققه في الدنيا والآخرة. Donc le cheikh il pose la question numéro 3, quel est le tawhid, qu'est-ce que c'est le tawhid, combien sont ces catégories, combien il y a de catégories au tawhid, et quelle est la récompense de celui qui va réaliser ce tawhid dans cette dunya et dans l'au-delà? Quelle sera sa récompense s'il applique correctement le tawhid et qu'il réalise la signification complète du tawhid dans cette dunya et dans l'au-delà? Donc le cheikh il répond à cette question. Il dit « At-tawhid huwa ifradu Allah bil-ibadati » والخلوص له من الشرك كبيره وصغيره قليله وكثيره والبراءة منه ومن أهله. Donc le cheikh il explique que le tawhid, c'est la réponse à cette question, c'est que le tawhid c'est d'unifier Allah et de rendre l'adoration uniquement pour Allah, d'unifier Allah dans l'adoration et de rendre l'adoration uniquement pour Allah, et également de se débarrasser de toute forme de shirk, de se débarrasser de toute forme de shirk, que ce soit une forme de shirk majeur ou mineur, et que ce soit petit, peu ou beaucoup de shirk, que ce soit peu ou beaucoup de shirk. Dans les deux cas, il faut s'en débarrasser, peu importe. Que ce soit un shirk majeur ou mineur, et que ce soit un shirk qui est peu ou beaucoup. Et il faut également se désavouer de ce shirk, c'est-à-dire qu'il faut le rejeter complètement et s'en désavouer. Et également se désavouer de ceux qui le pratiquent. Se désavouer de ceux qui le pratiquent, le shirk. Donc ça c'est la définition du shirk. Et le shirk il mentionne trois versets. Deux versets dans Surat al-An'am qui se suivent, le verset 162 et 163. Puis le verset 65 dans Surat Maryam. Le premier, les deux premiers disent قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. C'est-à-dire, dit au Muhammad, à ces gens, ma salat, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont uniquement à Allah, le Seigneur des mondes, nul partenaire à lui. Et voilà ce que j'ai été ordonné de faire, et je suis le premier des musulmans, le premier à me soumettre. Le verset 162 à 163. 162, 163 dans Surat Al-An'am. Naam. Donc, c'est-à-dire que tout ce que tu fais dans ta vie, ta prière, ton sacrifice, ta mort et ta vie entière doivent être uniquement pour Allah, le Seigneur des mondes. Ensuite, le verset 65 dans Surat Maryam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wa stabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya » C'est-à-dire, le Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui est entre les deux. Alors, adore-le. Hein? C'est-à-dire, adore-le lui seul. Et sois endurant dans son adoration. Fais preuve de patience et d'effort et d'endurance dans son adoration. Est-ce que tu lui connais un égal? Est-ce que tu lui connais un égal? Bien sûr que Allah n'a aucun égal et aucun semblable. Hal ta'lamu lahu samiyya? Donc ça c'est le verset 65 dans Surat Maryam. Donc ça c'est la réponse par rapport au tawhid, qu'est-ce que c'est? Maintenant, quelles sont les différentes catégories de tawhid? Qui connaît la réponse? Non, les catégories de tawhid. Barakallahu fik. Naam, donc tawhid al-rububiyya wal-uluhiyya wal-asma'i wal-sifat. Ça c'est les trois catégories de tawhid. Qui peut me donner la traduction de ces trois formes de tawhid, ou trois catégories de tawhid? Naam. Naam. Et les noms. Les noms et les attributs. Barakallahu fik. Donc tu as répondu correctement. C'est-à-dire l'unicité d'Allah par rapport à sa seigneurie et sa souveraineté. Tawhid al-Rububiyya. Le deuxième, Tawhid al-Uluhiyya. C'est l'unicité d'Allah par rapport à son adoration. On peut l'appeler aussi Tawhid al-Ibada. Les deux sont la même chose. Et Tawhid al-Asma'i wa-Sifat. C'est-à-dire l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Dans ses noms et dans ses attributs. Donc ça, c'est les trois formes de tawhid. Le cheikh, il dit, et maintenant il résume la signification un petit peu plus détaillée de ces trois catégories de tawhid. Il dit, tawhid al-uluhiyya huwa ifradullahi bi jami'i anwa'i al-ibadat wallati dhakaraha al-sharih نموذج منها يعني الدعاء كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. Donc le cheikh il dit que le tawhid dans l'adoration c'est de rendre notre adoration dans toutes ces catégories, de la rendre uniquement pour Allah. Toutes les différentes formes d'adoration doivent être uniquement vouées et offertes à Allah seul. C'est ça le tawhid dans l'adoration. Et c'est ce que le cheikh qui explique a mentionné. Donc, la personne qui fait l'explication a mentionné juste yani, un détail. Pas un détail, mais un exemple. Hein, un certain exemple de ces différentes formes d'adoration là, il en a énuméré un certain nombre. Et donc, parmi les exemples qu'il a cités, voici les exemples qu'il a mentionnés. Et je vais vous donner la signification de ces adorations là. L'invocation, le fait d'invoquer Allah, demander à Allah et de glorifier Allah. Donc ça c'est ad-du'a. Al-khawf, c'est la crainte. c'est-à-dire d'avoir peur d'Allah ou de craindre Allah. Ar-raja, c'est d'espérer en Allah, hein, d'avoir l'espoir. At-tawakkul, c'est le fait de mettre notre confiance en Allah. Hein. Ar-raghba, ça signifie l'amour ou bien le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Az-zuhd, pardon, afwan, ar-rahba. Ar-rahba, c'est-à-dire, c'est une forme de crainte aussi. Ar-rahba, c'est une forme de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khushu', c'est une forme d'humilité, d'avoir de l'humilité envers Allah, et d'être humble, et de, d'être humble et de se rabaisser devant Allah. C'est ça, al-khushu'. Al-khashya, c'est aussi une forme de crainte et de peur d'Allah. Al-inaba, c'est dans le sens de la repentance, le fait de se repentir à Allah. Al-isti'ana, c'est de demander à Allah son aide. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nasta'in, ça vient de al-isti'ana, ça veut dire de demander l'aide d'Allah. On demande à Allah al-aoun. Al-aoun, ça veut dire l'aide. Al-istighatha, c'est d'appeler Allah au secours lorsqu'on a un moment de détresse ou lorsqu'on est en danger. Ça aussi, ça fait partie de demander l'aide, mais dans un moment spécifique, c'est-à-dire dans les moments de danger ou de détresse. C'est pas comme quand on demande de l'aide dans des moments d'aisance ou des moments que tout va bien. Hein? Dans la détresse, on invoque Allah avec plus de force que dans les moments ordinaires. Al-istighatha, c'est talabul ghawth, de demander à Allah al-ghawth, hein, c'est-à-dire la détresse. Al-istighatha, al-istighatha. Et la dernière exemple mentionné, c'est al-dhabh. Al-dhabh, ça veut dire le fait de dégorger ou de sacrifier, hein, d'immoler un animal pour Allah. Hein, ça, c'est une adoration aussi. Et il n'a pas mentionné al-nadr. Al-nadr, mais aussi c'est une forme d'adoration. Al-nadr, c'est de faire un vœu pieux pour Allah. Hein? Donc ça, c'est en ce qui a rapport avec l'adoration, dans le tawhid dans l'adoration. C'est-à-dire que toutes ces différentes adorations-là et les autres qu'on n'a pas mentionnées doivent être offertes uniquement à Allah, et que si quelqu'un offre une de ces formes d'adoration-là à autre que Allah, eh bien, dans ce cas-là, il a commis un acte de shirk. Hein? Un acte de shirk. Et ça, ça fait... C'est quelque chose qui fait sortir quelqu'un de l'islam lorsqu'il le fait. Mais on va, bien entendu, expliquer les détails à ce sujet-là. Et parmi les exemples d'adoration aussi, il y a la salat, la zakat, le hajj, et ainsi de suite. Bien entendu. Bon, la deuxième catégorie de tawhid que le cheikh a expliqué, c'est tawhid al-rububiyya. Il a expliqué en deuxième. Il a dit wa huwa al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliq al-raziq al-muhyi al-mumit al-mudabbir li jami' al-umur al-mutasarrif fi al-kawn kullihi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, son tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans la seigneurie ou dans la souveraineté d'Allah, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le fait de reconnaître et de confirmer que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui est le créateur, c'est lui seul qui est le pourvoyeur, c'est lui seul qui fait vivre et qui fait mourir, et c'est lui seul qui contrôle tout ce qui se produit dans l'univers. Hein? C'est lui qui contrôle tout. Qu'est-ce qui se produit dans l'univers entier? Et il ne peut pas être questionné. On ne doit pas le questionner sur ce qu'il fait lui, mais les créatures, elles, peuvent être questionnées par rapport à tout. Hein? Qu'est-ce que Allah leur demande? Donc là, la yus'alu huwa, walakin hum yus'alun. Donc Allah, lui, n'est pas questionné. Mais eux sont questionnés. Ça, c'est Tawhid al-Rububiyya. Et cette catégorie de tawhid, même les mushrikouns de la Mecque, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui adoraient des idoles, ils reconnaissaient ce tawhid-là. Et ils croyaient en ce tawhid, tawhid al-rububiyya. Hein? Donc c'est pas ça l'objectif du tawhid. L'objectif du tawhid, c'est pas de faire reconnaître aux gens cet aspect du tawhid, parce que cet aspect du tawhid, elle est déjà acceptée par les, même par les mushrikines. Et elle fait partie même de la fitra de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, en lui-même, quand il naît, yani Allah subhanahu wa ta'ala lui met ça dans son cœur. La connaissance de ça, du fait qu'il sait qu'il a un maître, un tout-puissant, un créateur, qui donne la subsistance et qui a tout créé, et qui s'occupe de l'univers. Ça, c'est quelque chose, yani c'est instinctif, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Sauf qu'il y a des êtres humains, comme on l'a déjà expliqué, qui renient cette réalité-là en eux-mêmes par orgueil et par arrogance, hein, par fierté, parce qu'ils refusent de se soumettre à Allah. Donc, le fait de reconnaître Tawhid al-Rububiyya, ce n'est pas suffisant pour être un musulman. Qu'est-ce qui est dommage, c'est qu'il y a certains groupes et certaines sectes qui pensent que le but du Tawhid, c'est d'admettre que Dieu existe. Et qu'il y a un seul Dieu unique, et qu'une fois que tu as reconnu ça, ça y est, c'est suffisant. Donc, par la suite, s'ils voient des gens commettre du shirk, et d'adorer des tombes et des saints, ils vont dire, c'est pas grave, parce qu'ils reconnaissent l'unicité d'Allah, et que c'est Allah le maître, et que c'est lui seul qui fait, yani, qui contrôle les choses dans l'univers, et qui, yani, fait, qui peut faire profiter ou nuire à quelqu'un seulement. Tandis que, ceux qu'ils prennent en dehors d'Allah comme intermédiaire, ils peuvent leur demander l'intercession, leur demander des choses, même si yani, ils peuvent leur demander de leur profiter ou yani, de leur donner quelque chose ou de les protéger contre quelque chose, parce qu'ils disent, nous on sait que c'est Allah qui contrôle tout et c'est Allah qui fait ces choses-là. On les prend seulement comme intermédiaires ou des choses comme ça. Donc ça fait partie de leur déformation de la réalité, de la compréhension du tawhid. Et il y a une autre catégorie de tawhid qu'on appelle tawhid al-asma et al-sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs. Et cette catégorie de tawhid, le cheikh il l'a défini en disant « Huwa li'atiqad al-jazim bi anna Allah » بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى أو العليا نعم والصفات العليا وإثباتها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل بل نقول كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc, le cheikh, il dit que le tawhid dans les noms et dans les attributs d'Allah, c'est d'avoir une croyance, une conviction ferme et certaine que Allah subhanahu wa ta'ala a les plus beaux noms et les attributs les plus élevés et qu'il faut les affirmer en respectant les règles de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Et ces règles, c'est les suivantes, je vais les énumérer pour que vous puissiez les apprendre, inshallah. Il a mentionné premièrement le tahrif, il a mentionné ensuite le ta'til, il a mentionné ensuite le tashbih, il a mentionné ensuite le takif, et il a mentionné ensuite le tamthil. Il a mentionné le tahrif, le ta'til, le tashbih, le takif ensuite, et le dernier, le tamthil. Et parfois aussi, vous allez entendre, on peut rajouter le ta'wil, ta'wil. Là, il y en a cinq que le cheikh a mentionné. Puis, al-ta'wil, qu'il a mentionné préalablement, mais pas ici. Oui. Pardon? Oui, l'ilhad aussi. Oui, il y a aussi ça qui est mentionné dans d'autres livres. Le cheikh ici ne le mentionne pas, mais yani, on en parlera peut-être plus tard, inshallah. Donc, on va expliquer juste un par un qu'est-ce que ça signifie ces termes-là, mais juste en résumé, on ne va pas rentrer dans les détails. Tahrif, vous pouvez le mettre à côté, ta'wil, pour dire que ces deux mots-là sont la même signification dans le sens dans lequel le cheikh il en parle maintenant. Le ta'wil, entre parenthèses, ta'wil. Oui, à la fin, le dernier que j'ai mentionné. Vous pouvez le mettre avec tahrif. Parce que c'est dans ce sens-là qu'il est mentionné ici. Donc ça, là, c'est les règles que les gens de Ahl Sunnah doivent respecter lorsqu'ils affirment les noms et les attributs d'Allah. Quand je dis que c'est les noms qu'ils doivent respecter, c'est-à-dire les principes qu'ils doivent respecter par rapport aux noms et aux attributs d'Allah, qu'ils ne doivent pas faire ces choses-là. Quand il parle des noms et des attributs d'Allah, il ne doit pas faire ces cinq ou six choses, sinon il tombe dans l'égarement et dans des erreurs dans leur aqidah. D'accord? Donc, les cinq et six principes suivants. At-tahrif, ça veut dire de déformer. De déformer ou falsifier. Soit le texte, ou qu'est-ce qui est écrit dans les textes, tu le falsifies, tu le changes, tu le déformes, ou bien tu falsifies et déformes sa signification. Soit que tu vas déformer et falsifier le texte, ou que tu vas déformer et falsifier la signification de ce texte, ou de cet attribut, ou de ce nom. D'accord? Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle « tahrif ». Et une des significations du ta'wil, c'est ça, en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils déforment le sens, ou bien le texte même parfois, Allah musta'an. Comme par exemple, si Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a une main, eh bien eux, ils vont dire que la main c'est la puissance, ou que la main c'est la grâce, ou des choses comme ça. Ça, c'est ta'wil ou bien tahrif. C'est un ta'wil qui est en fait une tahrif. Parce que c'est pas ça que ça veut dire, le terme ta'wil dans son vrai sens. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, le terme qui est employé ici, c'est ta'til. Ta'til, c'est quoi? C'est le fait de nier complètement l'attribut, ou le nom d'Allah. C'est comme si tu disais que il n'a pas de signification. Comme si tu dis non, ça ne veut rien dire. Ou bien tu le nies complètement. Tu dis, par exemple, comme les gens de Bid'a, comme les Jahmiyyah, les Mu'tazila, ils vont dire par exemple, Allah il n'est pas au-delà de son trône, ou Allah il ne parle pas. Ça c'est le ta'til. Hein? Il nie ce que Allah a dit à propos de lui-même. Donc ça c'est interdit de faire le ta'til. Et les athées, c'est ce qu'ils font en fait. Les athées, qu'est-ce qu'ils font quand ils nient Allah? Ils nient tous ses attributs au complet, tous ses noms et tous ses attributs. Donc celui qui nie quelques attributs ou quelques noms, eh bien il a fait le ta'til. Et celui qui les nie toutes, il a fait le ta'til complet, absolu, de tout. Hein? Mais celui qui nie une ou deux ou trois, c'est la même chose que s'il a nié tout. Parce que du moment que tu commences à nier des attributs d'Allah, qu'est-ce qui t'empêche par la suite de nier les autres? Et tu ne dois pas faire non plus de tashbih. Tashbih, c'est-à-dire tu fais des ressemblances entre Allah et sa créature. Hein? Donc tu vas dire, par exemple, la main de l'homme ressemble à la main du Créateur. Ça, c'est teshbih. Ça, c'est kufr. C'est shirk. Ou bien tu vas dire que l'être humain, par exemple les chrétiens disent Jésus, il connaît le raïb. Ça c'est shirk, c'est tashbih. Ils ont fait ressembler la créature au créateur. Ou bien il y en a des soufis, ils croient que leur cheikh connaît le raïb. Le cheikh, il connaît le raïb, il connaît qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Ou des choses comme ça. Ça, c'est aussi une forme de shirk. Tu as fait ressembler la créature au créateur. Parce que tu as donné à une créature une attribut d'Allah. C'est-à-dire la connaissance du raïb. Personne ne connaît le raïb excepté Allah. Et des fois, c'est le contraire. Il y en a qui offrent à Allah des attributs des créatures. Ils qualifient Allah par des attributs humaines. Comme par exemple, ils vont dire... Par exemple, les Juifs, ils ont dit à propos d'Allah que le septième jour, il s'est reposé. Donc, ils attribuent à Allah la fatigue. Et ça, c'est d'attribuer à Allah, de donner à Allah une attribut de faiblesse. Et ça, c'est kofr aussi. Hein? Donc, on n'a pas le droit de faire ça. Et les chrétiens, ils ont aussi attribué à Allah un fils. Ça aussi. C'est faire ressembler... Les créatures, c'est faire ressembler Allah aux créatures. Ça, c'est tashbih aussi. Ça, c'est kufr. Hein, c'est shirk. Mais si on affirme quelque chose que Allah s'est affirmé dans le Coran, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à Allah dans la sunna authentique, et qu'on retrouve que cet attribut-là, c'est la même qui est mentionné par rapport à Allah que ce qu'on attribue aux créatures. Comme par exemple le terme main, hein, quand Allah dit qu'il a deux mains, ou quand il dit qu'il a des yeux, ou quand il dit que, hein, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans un hadith authentique que Allah subhanahu wa ta'ala rit, hein, eh bien, ça, c'est des choses qu'on affirme. Et on ne dit pas qu'il y a une ressemblance entre Allah et la création dans ces choses-là. Parce que quand on les affirme à Allah, on les affirme à Allah d'une manière qui lui convient, lui. Qui est différente de celle des créatures et qui n'implique aucune imperfection et aucune faiblesse, aucun manquement pour Allah. Parce que Allah, il est parfait. Donc les attributs d'Allah sont parfaits. Les êtres humains sont imparfaits et leurs attributs sont imparfaits aussi. D'accord? Donc ça, c'est at-tashbih. At-takif, ça veut dire, ça vient de quand tu dis kaif. Tu sais, quand tu rencontres un musulman ou quelqu'un, tu lui dis kaif haluk. Hein? Ça veut dire comment est ton état, comment tu te sens, comment tu vas, hein? C'est ça que ça veut dire kayfa haluk. Hein? Al hal, c'est ton état, ta situation. Donc kayfa haluka, ça veut dire comment est ton état, comment tu te sens, comment tu vas. Et bien le kayf ici, c'est quand on parle des attributs d'Allah, on dit on ne fait pas de takyif, ça veut dire on ne va pas demander à propos d'Allah comment il est. On ne va pas demander à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala comment il est, comment est sa main, comment sont ses yeux, comment est sa puissance, comment il est élevé au-dessus de son trône, comment il monte sur le trône, hein? Comment Allah subhanahu wa ta'ala parle, hein? Comment il crée. Il y en a des choses comme ça, on ne peut pas poser. On n'a pas le droit de demander ça. Ça, c'est pas permis. Comment Allah descend au dernier des cieux? Au dernier tiers de la nuit, chaque soir, hein, chaque nuit, on n'a pas le droit de demander le comment. Et on n'a pas le droit non plus d'essayer de l'imaginer. Hein, d'essayer d'imaginer la main d'Allah, d'imaginer les yeux d'Allah, d'imaginer la parole d'Allah, des choses comme ça, on n'a pas le droit. Hein? C'est pas permis. Et ça, c'est bid'a. Et, wala tamthil, c'est-à-dire, pas de comparaison. Tu vas pas dire, la main d'Allah est comme la main des créatures. Tu fais les comparaisons. Il y a une ressemblance ou un lien entre le tashbih et le tamthil. Tashbih, ça veut dire ressembler. Tamthil, ça veut dire, c'est comme si tu dis ça, c'est comme ça. Hein? Donc c'est comme une comparaison. Et dans le Coran, le terme qui est employé, c'est tamthil. C'est dans le sens que Allah il dit, laysa kamithlihi shay. Donc, qu'est-ce qui est nié dans le Coran, c'est al-mithliya, le fait qu'il y ait une comparaison, quelque chose de qui soit pareil. Ou bien aussi, walam yakun lahu kufuwan ahad. Il n'y a rien qui soit égal à lui. Hein? Allah n'a rien égal. à lui. Ou hal ta'lamu lahu samiya? Est-ce que tu lui connais un égal ou une comparaison, hein? Ou bien le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit fala taj'alu lillahi andadan, al-andad. Tout c'est un égal ou un semblable, hein? Donc tous ces termes là, as-sami, an-nid, hein, al-kufu, ou bien al-mithl, hein, des choses comme ça, ça c'est des, toutes des choses qui impliquent une comparaison. Bon, ça, ça fait partie des, comme par exemple Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et d'autres parmi les ulama, quand ils expliquent l'aqidah d'Ahl al-Sunnah, ils disent qu'on doit affirmer ce que Allah a affirmé et on doit nier ce que Allah a nié. Et quand on affirme ce qu'Allah a affirmé, c'est-à-dire qu'on affirme ce qu'il a dit à propos de sa personne dans le Coran et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques. Et quand on parle de nier, on parle de nier ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié à propos de lui-même et ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a nié à propos de lui-même dans les hadiths authentiques. Donc ça veut dire qu'on va affirmer tout ce qu'il a dit, que Allah subhanahu wa ta'ala il est Samir, Basir, Basir Alim, yani qu'il est Al-Ali, qu'il est au-dessus de son trône, qu'il voit, qu'il entend, qu'il a des yeux, qu'il a une main, yani, et ainsi de suite. Tout ce qui est mentionné dans les textes authentiques, on l'affirme, que Allah subhanahu wa ta'ala rit, hein. Et quand les sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Allah il rit, hein, les sahaba ils ont dit quoi? Est-ce qu'ils ont dit ah, astaghfirullah, il ne faut pas dire ça? Non, au contraire. Même il y a un sahabi, quand il a entendu ça, il a dit on espérera toujours du bien d'un Seigneur qui rit. Hein? On ne pensera toujours que du bien d'un Seigneur qui rit. Hein? Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a ces attributs-là, mais on ne les compare pas à celles des êtres humains. Et quand on nie tel que c'est mentionné dans les textes, que par exemple Allah il nie qu'il mange, hein? C'est lui qui nourrit et lui il n'est pas nourri, il ne mange pas, hein? Il n'a pas besoin. Il ne dort pas et il n'est pas pris par la somnolence, le sommeil. Ou bien on va nier par exemple quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, hein, et il n'a pas de compagne, hein, d'épouse ou de compagne, et il n'a pas de fils. Ça c'est nié dans plusieurs versets, hein. Quoi d'autre encore, plein d'autres versets comme ça dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne des choses qui ne lui conviennent pas et qu'on n'a pas le droit de lui affirmer ou de lui attribuer. Pourquoi? Parce que ça implique des imperfections, des faiblesses, des caractéristiques, hein, d'imperfections et de faiblesses et de manquements. On n'a pas le droit donc d'affirmer ces choses-là. Toutefois, les gens de Bid'ah, hein, parmi les Mutakallimin, les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira, hein, eux, ils ont inventé des termes, qu'ils ont pris des termes des livres des philosophes, comme par exemple Aristote et Platon et d'autres, dans la métaphysique ou d'autres livres. Et dans ces termes-là, ils disent, par exemple, on ne peut pas affirmer à Allah un espace, on ne peut pas affirmer à Allah un corps, on ne peut pas affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala une couleur, ou une forme, ou un goût, ou ainsi de suite. Il parle d'Allah comme s'il parlait d'une matière chimique ou physique. Hein? Ils veulent comparer Allah à la créature. Et l'attitude des ulama d'Ahl al-Sunnah par rapport à ces termes-là, lorsqu'ils utilisent par exemple Al-Ard, Wal-Jawhar, Wal-Jism, tout ça c'est des termes qu'ils ont inventés. Al-Jihah, tout ça c'est des termes qu'ils ont inventés, qu'ils ont innovés pour parler d'Allah, à la manière des philosophes. Et les ulama d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a ont interdit l'utilisation de ces termes. Ils ont dit on n'a pas le droit de parler de ces termes-là ou de les employer pour parler d'Allah, ni dans l'affirmation, ni dans la négation. C'est-à-dire tu ne dois pas les nier et tu ne dois pas non plus les affirmer. Donc si par exemple un Hizbi, un Mubtadi comme un Ahbash ou un Ash'ari, il te demande Est-ce que Allah a un corps? Hein? Est-ce que Allah a un corps, oui ou non? Et tu lui dis, on ne dit pas qu'il a un corps et on ne dit pas qu'il n'a pas de corps. On ne dit pas qu'il a un corps et on ne dit pas non plus qu'il n'a pas de corps. On dit ce que Allah a dit dans le Coran. Et on affirme ce qu'Allah a affirmé dans le Coran. Et on nie ce qu'Allah a nié dans le Coran et dans la Sunna. Mais si c'est des choses qui ne sont pas dans le Coran ni dans la Sunna, on se tait, on s'abstient. Hein? Parce que si on affirme, on affirme sans connaissance. Et si on nie sans connaissance. Et pour nier, tu as besoin d'une connaissance. Si je te dis par exemple, chez moi, dans ma maison, j'ai un sofa rouge. Est-ce que tu as le droit par la suite de dire, ah mais t'as pas une chaise brune? Est-ce que tu as le droit de dire ça? Est-ce que si par exemple, je te dis, moi, chez moi j'ai un sofa rouge. Toi, est-ce que tu as le droit de dire, oui mais t'as pas un bureau noir? Hein? T'as pas le droit parce que tu le sais pas. Tu comprends? Et t'as pas le droit de dire non plus. T'as pas ou t'as. Hein? T'as pas le droit de dire t'as une chaise bleue. Ou non, parce que j'ai même pas parlé de si est-ce que j'avais une chaise ou non. Donc je dis, tu dois pas. Si je te parle de qu'est-ce que j'ai chez moi, tu dois t'en tenir à ce que je te dis. Si tu commences à dire à propos de ce que j'ai chez moi des choses que j'ai même pas mentionnées, tu vas affirmer des choses ou nier des choses sans connaissance. Et donc tu parles sans ilm, mais tu tombes dans l'égarement. Donc quand c'est à propos de parler d'Allah, c'est encore plus grave. Si tu commences à affirmer à propos d'Allah des choses que Allah n'a jamais dit, il n'a pas affirmé qu'il l'avait et il n'a pas nié non plus. Donc comment tu vas l'affirmer ou le nier toi sans ilm, sans connaissance? Donc c'est pour ça que les ulama d'Ahl Sunna, ils ont dit, tout terme innové qui est mujmal, ça fait partie des mujmalat, des termes qui sont mujmal, c'est-à-dire qui sont ambigus. Ils peuvent avoir une signification vraie et ils peuvent avoir une signification fausse. Donc tout terme qui implique quelque chose qui est vrai ou qui implique quelque chose qui est faux, eh bien dans ce cas-là, on n'a pas le droit de l'employer et on n'a pas le droit de l'utiliser pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on va regarder sa signification. Et si la personne qui l'utilise, elle veut dire par là quelque chose qui est supporté par les preuves du Coran et de la Sunna, on va dire, on accepte la signification, parce qu'elle est en accord avec le Coran et la Sunna, mais on va rejeter l'emploi de ce terme, parce qu'il est imprécis, il est ambigu, il est équivoque. Il peut y avoir plusieurs interprétations qui peuvent être vraies ou fausses, donc on ne va pas l'employer. Et c'est pour ça qu'on ne va pas dire à propos d'Allah, il est dans un endroit ou il n'est pas dans un endroit. On ne va pas dire à propos d'Allah, est-ce qu'il a un corps ou est-ce qu'elle n'a pas un corps? Non. Parce que ça ne fait pas partie des termes qui sont expliqués par la révélation ou mentionnés par la révélation. Et de parler d'Allah en utilisant ces termes-là, c'est une bid'a, c'est une innovation. Et ça implique des choses fausses à propos d'Allah. Et ça peut aussi impliquer, selon la signification de la personne qui parle, quelque chose de vrai. Mais pour éviter toute ambiguïté, on ne va pas l'utiliser. Il y a des ulama qui ont mentionné que dans les livres, les derniers livres que Abu al-Hassan al-Ash'ari a écrit, comme tu disais, Al-Ibana, Al-Usul al-Diyana, et l'autre livre, Maqalat al-Islamiyin, ça c'est des livres. Cheikh, il a dit, il est revenu à la position d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Les Mashaykh, ils ont dit, il est revenu à la position d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Toutefois, il est possible qu'il reste encore quelques petites erreurs dedans. Mais notre principe à nous, c'est de revenir au fondement et au principe d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Et c'est de rejeter ces termes-là et de ne pas les employer. Et ceux qui veulent plus de détails à ce sujet-là, ils peuvent se référer aux écrits de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah s'ils ont la capacité et la connaissance. Sinon, Cheikh Ibn Uthaymeen, il en parle dans ses cours quand il explique Al-Hamawiyya et il clarifie ces questions-là. De même que la plupart des ulama de Ahl-Sunna, ils clarifient ces questions-là. Et Cheikh Ibn Baz, il en a parlé très bien aussi dans sa réfutation de As-Sabuni, dans son tafsir. Quand il a parlé l'exemple, parce que quand vous rencontrez par exemple des gens justement parmi les Ahbash ou les Asha'ira, et qu'ils veulent, par exemple, essayer de ridiculiser la position d'Ahl-Sunnah et essayer de se moquer des salafis qui affirment les attributs d'Allah, eh bien, parfois, ils vont énumérer des choses qu'on affirme à Allah et ils vont inclure dans cette énumération-là, ils vont inclure des choses que nous, on n'a jamais dit. Donc, ils vont dire, eux, par exemple, ils disent, ah, les salafis, quand ils parlent d'Allah, ils vont dire que Allah, il est comme ci, il est comme ça. Puis, ils vont mentionner des choses qui sont des attributs qui sont dans le Coran. Donc, sur ces choses-là, on n'a pas de problème, parce que Allah, il dit qu'il a des yeux, qu'il a des mains, qu'il est au-dessus de son trône, hein, par exemple, qu'il rit, et ainsi de suite. Ça, on l'affirme, hein, qu'il a des doigts. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, c'est mentionné dans les textes, qu'il a des doigts. Et que les cœurs des serviteurs d'Allah sont entre deux, des doigts d'Allah, il les tourne comme il veut, et qu'il a également un pied, hein, qu'il a une jambe et un pied, qu'il va mettre son pied dans l'enfer au jour de la résurrection. Tout ça, c'est des hadiths qui sont affirmés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils vont mentionner d'autres choses, des éléments parfois que nous, on n'a jamais dit, par exemple. Donc, dans ces choses qui sont vraies, on l'affirme, et les choses qui ne sont pas mentionnées, nous, on ne parle pas de ces questions-là. On se limite à qu'est-ce qui est mentionné dans les textes. Aynam. Ensuite, le cheikh, il dit donc, « Bal naqul, kama qalahu Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un, wa huwa as-sami'ul basir. » Et ça, c'est la règle dans l'islam. Pour comprendre les noms et les attributs d'Allah, on dit il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. C'est-à-dire il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala et il est l'audient et le voyant. Donc on affirme, mais on ne fait pas de ressemblance. Hein? Après le cheikh il dit Amma al-jaza. على التوحيد في الدنيا فهو عصمة الدم والمال والعرض والحياة وحياة الأمن والطمأنينة. Donc il dit en ce qui concerne la récompense pour le tawhid dans cette dunya, c'est quoi? Lorsque quelqu'un devient musulman, c'est quoi sa récompense dans la dunya ou sa rétribution? C'est que premièrement son sang est préservé et protégé et ses biens et son honneur, et il vit une vie en sécurité et en tranquillité. Donc ça, c'est dans la dunya. La preuve, une des preuves à ce sujet-là, le cheikh il ne mentionne pas maintenant, mais c'est il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Umirtu an uqatila al-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah fa'idha qaluha عصم حتى يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Une fois qu'ils auront fait ce témoignage, ils seront protégés contre moi dans leur sang et leur bien, excepté pour un de ses droits. Donc ça c'est une référence par rapport à ça. Et amma jaza'ul muwahhidin fi al-akhirah, faridallah wal jannah wan najat min sakhatihi wan nar. وفوق ذلك التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وذلك هو الفوز العظيم. Donc le cheikh, il dit, en ce qui concerne la récompense des gens qui sont sur le tawhid dans l'au-delà, eh bien, c'est, par exemple, parmi les récompenses, il y a l'agrément d'Allah, et c'est que son paradis, et le fait d'être sauvé de sa colère et de l'enfer, et au-dessus de tout ça, il y a le fait de pouvoir jouir, de pouvoir voir le visage d'Allah, le noble visage d'Allah, et ça c'est la plus grande des récompenses, et la plus grande des réussites, de pouvoir jouir, de regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la plus grande de toutes les récompenses dans l'au-delà. ونحن بصدد ما ذكره المؤلف رحمه الله من مراتب الدين حيث ذكر المرتبة الأولى الإسلام وفي حديث جبريل بين النبي صلى الله عليه وسلم بين صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وطلب العلم بحاجة إلى معرفة مفصلة لأركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان بالأدلة التي توضح كل ركن. Le Cheikh il dit, on va maintenant commencer à expliquer, comme l'auteur l'a mentionné, les degrés de la religion, du fait que il va mentionner le premier degré, c'est l'islam. Comme il l'a mentionné dans, comme on l'a dit dans le hadith de Jibril, dans lequel il y a la mention des piliers de l'islam. Et la personne qui fait la recherche de la science en islam, Naam, At-Tamthil, celui que j'ai mentionné en dernier, At-Tamthil, c'est yani, quand tu compares. Tu dis, par exemple, celui qui dirait, par exemple, la main d'Allah est comme la main de la créature. C'est comme At-Tashbih. Ça ressemble à At-Tashbih, mais c'est un peu différent. C'est comme si quelqu'un dit, par exemple, la main d'Allah ressemble à la main des créatures. Mais la main d'Allah, si que tu dis At-Tamthil, c'est-à-dire la main d'Allah est comme la main de la créature, c'est encore plus. C'est encore plus grave. Parce que là, tu dis comme si elle est pareille. Hein? Et les deux sont interdits, At-Tamthil et At-Tashbih. Son sang, c'est-à-dire sa vie, et ses biens, c'est-à-dire son argent et tout ce qu'il possède, sera protégé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du fait que, dans le sens que, durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il appelait les gens au tawhid, et que Allah subhanahu wa ta'ala par la suite lui a donné l'ordre de combattre les gens qui ne croyaient pas en la ilaha illallah, eh bien, c'est uniquement le fait de croire en la ilaha illallah qui protégeait le sang et les biens des gens. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait dans un peuple, il leur ordonnait premièrement de dire la ilaha illallah. Et s'ils disaient la ilaha illallah et qu'ils acceptaient l'islam, qu'ils disaient Muhammad Rasulullah, eh bien, ils devenaient des musulmans. Donc, à partir de ce moment-là, il était interdit à un autre musulman de leur faire quoi que ce soit, d'atteindre leur vie, d'atteindre à leur vie ou à leur honneur ou à leur bien. S'ils refusaient d'accepter l'islam et de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, eh bien, ils étaient appelés à donner la jizya. Et s'ils donnaient la jizya, et qu'ils faisaient une entente de paix avec les musulmans, et bien à partir de ce moment-là, ils devenaient également protégés dans leurs biens, dans leur personne et dans leur honneur. Parce qu'il y avait une entente de paix entre les musulmans et les non-musulmans. Et donc, il n'était pas permis par la suite de porter atteinte à leurs biens, à leur honneur. Donc, il y a deux façons par lesquelles les biens des gens sont protégés. C'est par l'islam, ou par l'entente de paix que les musulmans prennent avec les non-musulmans. Et l'entente de paix, bien entendu, c'est jusqu'à ce que la paix reste, et jusqu'à ce que les musulmans et les non-musulmans restent en état de paix entre eux. et que l'entente reste, mais c'est pas nécessairement toujours éternel, hein, puisque il arrive que des fois cette paix-là elle se brise pour différentes raisons, tandis que l'islam ça peut pas se briser tant que quelqu'un n'a pas opposé ou contredit les croyances et les fondements de l'islam, il reste musulman, donc son sang et ses biens restent toujours sacrés pour un autre musulman. Naam. Donc ça c'est à ce sujet-là. Et le cheikh il dit donc que le talib ilm, la personne qui cherche la connaissance de l'islam, il a besoin de connaître en détail les règles de l'islam, hein, les piliers de l'islam, qu'est-ce que c'est, les piliers de la foi en détail, il doit les connaître. Et il doit connaître aussi les détails de qu'est-ce que signifie Al-Ihsan avec les preuves qui sont reliées à chacun de ces différents piliers-là. D'accord ? Donc il faut les connaître en détail. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on expliquera un peu plus au prochain cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته